Ok, merci Bernard. C'est bon, le son passe là. Donc, il y a quelques mois, Bernard nous a effectivement proposé, à nous, les boulinériennes, d'animer une causerie sur le champ de marin. Alors, on a accepté tout de suite. On a accepté tout de suite parce qu'on était évidemment très heureux de faire partager ce qu'on aime. Nous côtoyons le champ de marin au sein du groupe depuis 19 ans. Donc, les boulinériennes vont fêter leurs 20 ans l'année prochaine en 2013. En fait, nous côtoyons le champ de marin depuis un tout petit peu plus longtemps, dans la mesure où la plupart d'entre nous, avant de créer le groupe, nous connaissions déjà un petit peu le répertoire, ou tout au moins un petit peu une partie du répertoire. Alors, pour ce soir, notre ambition n'est pas de faire un exposé de type universitaire ou un travail d'historien, mais beaucoup plus simplement, notre objectif, de vous donner un certain nombre d'éléments, un certain nombre de clés pour appréhender le champ de marin, pour comprendre le champ de marin, un certain nombre de repères aussi pour que vous vous y retrouviez dans ce vaste domaine qu'est le répertoire actuel du champ de marin, un domaine qui ratisse large, hein, on va voir ça. Hein. Donc, avant de commencer, je vais citer mes sources. On ne peut pas parler de champ de marin aujourd'hui en France, on ne peut pas animer une causerie sur le champ de marin comme on va le faire ce soir, sans faire référence à l'énorme travail réalisé par le chasse-marée, énorme travail de collecte, de recherche, de restitution, effectué par toute l'équipe du chasse-marée et avec notamment Michel Colleux, que certains d'entre vous connaissent certainement de nom. Michel Colleux, qui est cofondateur du chasse-marée et qui a été pendant de nombreuses années le directeur éditorial de la revue. Hein? Voilà. Alors, le champ de marin. Il est difficile de passer des vacances d'été au bord de la mer sans être en présence de champs de marin, concerts, fêtes plus ou moins maritimes, etc. On évalue entre 350 et 400 le nombre de groupes de champs de marin qui existent actuellement, qui se produisent plus ou moins régulièrement. Alors cela va des groupes professionnels, semi-professionnels, à des groupes, des chorales associatives qui ne se produisent que quelques fois par an, et entre les deux, toute la déclinaison possible, hein, toute la palette existe, dont des groupes comme nous, hein, puisque je suis soutenu par mes petits camarades là. Alors, heureusement qu'ils sont là.